L'ambassade des Pokajou en France et le ministère de Culture de Pokajou présentent Radio Pokajou International. 15 minutes de voyage radiophonique à travers le Pokajou. Un programme diffusé depuis Jukapo, capitale de l'île, grâce à l'énergie produite par 300 écureuils qui courent sans cesse au cœur du Palais Royal. Bonjour messieurs, dames, soyez les bienvenus. Vous entendez la radio Pokajou International. Je suis Mélissa Suarez El Real, ravie, comme d'habitude, de vous accueillir dans cette nouvelle émission, diffusée directement depuis Jukapo, la capitale de notre petite île. Aujourd'hui, on a décidé de consacrer notre émission aux couleurs et pigments. On croit normalement que les couleurs ont toujours été disponibles dans la nature, mais avant, les tissus, les outils et les objets n'avaient pas de couleurs. Il n'y avait pas vraiment cette variété qu'on connaît aujourd'hui. Sauf évidemment pour les couleurs naturelles des objets. Il était très rare de trouver une couleur bleue, par exemple. Et à cause de ça, les pigments comme le pastel sont devenus très très chers pendant plusieurs années. Il était par exemple très rare de trouver un objet couleur bleue. Et à cause de ça, les tentes, comme le pastel, sont devenues aussi chères pendant le Moyen-Âge. L'histoire des pigments est très intéressante parce que son commerce a contribué énormément à la création d'un réseau commercial qui était le début de ce qu'on connaît aujourd'hui comme globalisation. Le Pokajou a contribué énormément à cette normalisation des couleurs et de pigments dans nos vêtements, nos outils et nos maisons avec le vert Pokajou. Un pigment d'origine animale dont on va parler ce matin. Ça s'appelle justement Green de Diane Coffey. No. On est de retour à la radio Pocajou internationale, je suis Mélissa Suarez-Elvel. On parlait tout à l'heure du vert Pocajou, un pigment d'origine animale qui était une source de richesse pour les commerçants pocajoutiens au début du XIIe siècle. C'était un pigment très rare en Occident et donc très cher. Pendant des siècles, les marins pocajoutiens ont gardé le secret de la route de commerce qu'ils poursuivaient. Ils partaient chaque année avec un chargement de pigments verts et partaient visiter de nombreux ports où l'on commerçait avec des pigments. Ils disaient qu'ils venaient de la Chine et c'était grâce à ces petits mensonges que le pocajou a resté hors des routes de commerce jusqu'au XXe siècle et que le vert pocajou a resté tellement cher pendant des siècles. Cette route était aussi appelée la route des couleurs. Elle servait aussi à commercer avec le pastel, l'indigo et le pourpre. Vers la saison de moisson, les marins et commerçants rentraient à Pocajou avec une énorme fortune, ce qui a aidé énormément à établir la paix et à sauvegarder la couronne dans la même famille pendant des siècles. Mais au début du XVIIIe siècle, les couleurs synthétiques ont commencé à apparaître et le vert Pocajou a commencé très lentement à ne plus être utilisé en Occident. Pourtant, les Pocajoutiens ont continué à utiliser cette couleur qui est d'ailleurs sur le drapeau Pocajoutien et qui couvre les maisons typiques de la côte de Jucapo. Pour l'œil entraîné des Pocajoutiens, la couleur verte est considérée ne pas seulement comme une couleur, mais comme un phénomène optique. Il y a plus de 500 mots pour décrire les nuances de vert. Mais récemment, la création d'un pigment synthétique a réussi finalement à reproduire l'intensité du vert pocajou et la production artisanale de ce couleur a chuté. Les conséquences, on va les connaître après ce morceau. Ce s'appelle Greengrass, c'est un morceau du célèbre Tom Waits, mais cette fois-ci interprété pour la chanteuse brésilienne Cybele. Lay your head where my heart used to be. Je suis Melissa Suarez-Alvear, on est de retour à la radio Pocajou internationale. Le vert Pocajou est un vert foncé, chatoyant, et en fait c'est ça sa principale caractéristique. C'est un effet optique produit grâce au fait qu'il s'agit d'un pigment d'origine animale. Ce pigment est une poudre produite par la peau d'une espèce de perroquet pocajoutien, le perroquet pousserousse. Le perroquet mâle sont de couleur vert foncé grâce à ce poudre et les femelles qui ne le produisent pas sont de couleur blanc. Donc les femelles permettent uniquement les oiseaux verts de s'accoupler avec elles. Pendant des années, la population des perroquets a été contrôlée par les hommes qui prenaient la poudre verte des plumes des mâles permettant un contrôle de la population. Mais depuis l'arrivée des nouveaux pigments, la population de perroquets a commencé à grandir exponentiellement, créant un grave problème de santé publique. Les parcs, les jardins pocajoutiens ont été envahis littéralement par des milliers de perroquets et la poudre verte, fortement colorant, a tant de vert les rues, chaussées et maisons. Ainsi, le ministère de Santé a arrêté la création de pigments artificiels et depuis l'année dernière, l'utilisation de pigments naturels est obligatoire à Pocajou. Cette année, la population de perroquets a commencé à diminuer. Cependant, la population n'est pas encore stabilisée. On attend de pouvoir le faire l'année prochaine. Notre dernier morceau a aussi un rapport avec le couleur vert. Ce s'appelle Green Garden de Madame Laura Mvula. Merci de nous avoir suivis. Vous avez entendu la radio Pocajou internationale sur Radio Campus. On vous attend la semaine prochaine, bien sûr. À bientôt. Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Wings of a butterfly, high as a treetop, down again. Putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet. Okay now, bathe in the sunlight, Pocageux International finalise sa diffusion pour aujourd'hui. Vous pouvez entendre la rediffusion le mardi à 10h. À la prochaine !